Les œillets de Guerlaz par André Theuriet. Chapitre 1er. Elle se nommait Anne de Ploudaniel et demeurait avec son père au manoir de Guerlaz, dans un pays perdu en pleine sauvagerie, entre Douarnenez et Lorat de Saint. Le manoir, bâti à la fin du XVIe siècle, tourne le dos à l'océan, dont il est séparé par une lieue de lande et par des bois de pins qui le protègent contre le vent de mer. Une longue avenue de hêtres centenaires, recourbée en voûte au-dessus du chemin herbeux, descend du village de Poulan jusqu'à la grande porte tréflée de la cour, où deux façades en équerre ouvrent leurs fenêtres à croisillons sur un antique jardin plein de plantes vivaces. De ce côté, l'horizon restreint est borné par une épaisse charmille qui longe le mur de clôture entre la tourelle pointue d'une fuie où des pigeons roucoulent tout le jour et les contreforts d'une chapelle transformée en grange, dont les ogives bouchées jusqu'à mi-hauteur sont tapissées de parier terré de ravenelles. C'est dans cette solitude à la fois mélancolique et intime qu'était née Anne de Ploudaniel. Comme elle avait perdu sa mère de bonne heure, M. de Ploudaniel, tout occupé de chasse, de pêche et de culture, l'a mis au couvent de Pontcroix dès qu'elle fut en âge de faire sa première communion et elle y resta jusqu'à 18 ans. Elle revint à Guerlaz, ayant appris tout ce que les sœurs pouvaient lui enseigner, un peu de lecture, d'écriture, d'histoire sainte et beaucoup de couture. Ayant l'esprit curieux et l'imagination vive, elle compléta cette instruction rudimentaire en lisant les livres enfouis dans un coffre du grenier qui composait toute la bibliothèque du manoir, des récits de voyage, la maison rustique et une vingtaine de volumes dépareillés du théâtre de Corneille, de Racine et de Voltaire. Elle avait de nombreux loisirs, le ménage l'absorbant peu, et le bonhomme Ploudaniel lui laissant volontiers l'abrite sur le cou. Une fois les repas ordonnés, et après les soins prodigués aux fleurs du jardin, elle partait, ayant en poche son livre favori, et à travers les bois parfumés d'odeurs résineuses, à travers les landes dorées d'ajoncs épanouis, elle allait jusqu'en vue de la mer, tantôt lisant une page et tantôt rêvant, le regard perdu dans le moutonnement glauque de l'océan, dont les lointains vaporeux se confondaient avec les nuées. Anne de Ploudaniel était alors une jolie fille dans la pleine et délicate verdeur de la jeunesse, de taille moyenne, comme la plupart des femmes de la Cornouaille, mais élégante et svelte, bien campée sur ses hanches, le buste souple, la poitrine développée et harmonieusement encadrée dans de belles épaules tombantes. Elle avait la peau blanche, les cheveux châtains et les admirables yeux verts de mère de la pure race celtique. Et pourtant cette beauté, dans sa prime saison, ses yeux grands ouverts, ses lèvres rouges comme des framboises mûres, n'avaient encore tenté aucun épouseur. Aucun amoureux venu de Pontcroix ou de Douarnenez n'avait encore rôdé dans les chemins creux bordés de chèvrefeuilles qui contournaient le manoir où l'héritière de Guerlaz achevait solitairement sa 24e année. Quoique fille unique, Anne de Ploudaniel n'était pas riche. Les Ploudaniel de la branche cadette n'avait eu en partage que Guerlaz et les maigres terres qui l'entourent. On vivait modestement sur le domaine dont les produits, légumes, fruits et gibiers servaient à nourrir la famille. Mais les espèces monnayées étaient rares. De loin en loin, on vendait sur pied quelques pains aux gens de la marine. Cela suffisait à parer aux dépenses extraordinaires et c'était tout. Il existait bien, à Paris, des Ploudaniel de la branche aînée, occupant une position brillante et lotis d'une 60 000 francs de rente, mais ils avaient des enfants, chacun le savait, et il n'était guère probable que leur fortune n'a jamais accroître le patrimoine de leur pauvre cousin de Guerlaz. Malgré sa fine fleur de beauté, Mademoiselle Anne de Ploudaniel risquait donc de coiffer Sainte-Catherine ou de rentrer comme novice au couvent de Pontcroix. Et pourtant elle n'en avait nulle envie. Loin d'éteindre l'ardeur de son imagination, la solitude l'avait encore avivée. Dans la verdoyante étendue de la lande, ses rêves étaient à l'aise pour prendre l'essor. Le souffle fortifiant de la brise de mer lui fouettait le sang, et l'afflux sanguin lui faisait monter au cerveau de confus désirs de tendresse, de joyeuses images d'enfants pendus à ses jupes. Alors, les joues plus colorées, les yeux plus scintillants, elle allait s'asseoir à l'extrémité d'une pointe qui surplombait au-dessus de la baie. Elle regardait, parmi le scintillement argenté des vagues bleuâtres et frissonnantes, les voiles des pêcheurs s'éparpillaient vers le large, tantôt blanches et tantôt rosées suivant les jeux de lumière. Ses regards, passant par-dessus la baie, remontait jusqu'aux cimes lilas ou gris perles du Ménéum. Son cœur battait. Elle se demandait si le printemps allait se passer encore en trompant son attente. Un espoir renaissait en elle. Il lui semblait impossible que sa jeunesse restât indéfiniment solitaire et que l'inconnu tant rêvé ne se décidât point à surgir de l'océan au bord de quelque barque enchantée qu'un bon vent pousserait jusque vers la grève de Kerlaz. Elle se revenait plus confiante. Un apaisement se faisait dans son cœur, en même temps que la tranquillité du soir tombait sur les bruyères, dont la lointaine flèche aiguë du clocher de Saint-Bezec coupait seule la nappe fuyante et unie. Les petits églantiers nains, cannes foulées aux pieds, répandaient autour d'elle une fine odeur masquée. Le religieux silence de la lande n'était interrompu que par les tintements de clochettes de quelques vaches solitaires. Une chaude vapeur aromatique enveloppait les bois de pin où la jeune fille cheminait sur un sol tapissé d'aiguilles craquantes. Au moment de franchir la porte du manoir, elle enfonçait curieusement son regard dans l'avenue de hêtres déjà plus obscure, à l'extrémité de laquelle la lune demi-pleine, se montrant tout à coup dans l'étroite baie formée par les branches, jetait un long réseau de rayons diamantés sur les ornières herbeuses. « Qui sait ?» se disait-elle en s'arrêtant sur le seuil. « Qui sait si un de ces matins l'inconnu n'apparaîtra pas à son tour au fond de l'avenue ?»